Ah, ça fait plaisir hein, d'entendre des gens qui sont contents comme ça. Et vous êtes contents régulièrement en écoutant France Bleu, en gagnant les beaux cadeaux qu'on vous propose. Ah, ben on est là pour ça, c'est notre mission. Vraiment, c'est top. Allez, REM sur France Bleu Vaucluse, R.E.M. Mokoto m'a dit de l'enfant que j'étais. J'ai gardé ses larmes, son rire et ses secrets. Même si ça fait peur, la vie est plus jolie. Vu de l'intérieur, mon couteau m'a dit. Pharaon, laisse penser la vie, laisse danser le vent. Comme dit si bien Montaigne à la poésie, c'est parce que c'était moi, parce que c'était lui. Ça serait mieux un frein là. Ça, ce que tu vois. En folie, j'ai vu danser la mer, j'ai vu danser l'envie. J'ai vu danser les fleurs, j'ai vu danser l'amour, j'ai vu danser l'ami. Mokoto m'a dit. Dans ce regard absent, j'ai vu danser tes peurs, j'ai vu danser le temps. J'ai vu danser l'amour, j'ai vu danser la vie, j'ai vu danser l'enfant. C'est ce que tu vois. France Bleu et la musique, c'est Mogodo, le titre de M. Dans deux minutes, ça sera France Bleu et les infos. France Bleu Vaucluse matin, on se réveille de bonne humeur. France Bleu Vaucluse matin, ça fait du bien. Robert, Marina Kay sur France Bleu Vaucluse. C'était Yvonne Borne. France Bleu Vaucluse matin, demain, dès 6h. Ça fait du bien. Vous écoutez France Bleu Vaucluse à Carpentras sur 100.4. Le Vaucluse Express. Et cette semaine, c'est Florent Mounier qui prend les commandes du Vaucluse Express, ce merveilleux train qui sillonne le Vaucluse d'une destination à l'autre. L'embarquement est imminent et vous allez gagner cette semaine un séjour pour deux personnes pour profiter pleinement de la foire antiquité brocante à Lille-sur-la-Sorgue du 11 au 15 août prochain, avec une nuit d'hôtel au Mas des Grès et une heure de spa pour vous détendre à Lagnes. On vous attend à 9h sur le quai de la gare pour le prochain départ du Vaucluse Express. Ah, programmateur chez France Bleu la nuit, very good trip. France Bleu Collector, c'est nos limites sur les pépites. France Bleu Collector, le programmateur de France Bleu à carte blanche. Chaque soir de la semaine, 22h-1h. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Vaucluse. Et on est bien, il est 18h. La météo en Vaucluse, cette nuit, ça sera clair. Et des dentelles au Ventoux jusqu'au Grand Luberon. On attend 14 à 17 degrés. Des températures comprises entre 18 et 20 degrés dans la vallée du Rhône. Ça, c'est pour la nuit. Puis demain, grand soleil avec de fortes températures aussi. On y reviendra, bien sûr. On y revient après Maya Baldour-Offredon. Pour les infos, et Maya, il n'y a pas foule sur le Mont Ventoux. 20% de fréquentation en moins par rapport à d'habitude. La station du Mont-Serein peine à faire le plein. Cet hiver, il ne faisait pas assez froid pour qu'il y ait de la neige. Et cet été, il ne fait pas assez chaud pour que les Vauclusiens et les touristes aient envie d'aller se mettre au frais à 1437 mètres d'altitude. Et même quand ils viennent, ils dépensent peu. Inflation oblige, c'est pique-nique plutôt que resto. C'est ce que constate Benjamin Lizaga, le gérant du snack chez Benji. Oui, ils pique-niquent énormément, on les voit. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de voitures, mais ils passent tous avec les glacières. Souvent, alors s'ils viennent manger, ils vont prendre peut-être une pizza à plusieurs ou des trucs un petit peu où on voit qu'ils hésitent. Ils viennent demander souvent les prix avant de consommer. J'ai beaucoup de retombées pour après, pour ce qui est glace, café. Mais par contre, pour le repas du midi, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. C'est la baisse du pouvoir d'achat ? Je pense, oui, parce que c'est vrai qu'il y a eu le problème avec l'augmentation de l'essence, qui était, donc ça fait des trous dans le porte-monnaie. Ils ont plus de mal à se faire plaisir et à consommer comme les autres années. Benjamin Lizaga au micro de Julie Munch pour France Bleu Vaucluse. Ça baisse aussi dans le porte-monnaie de nos arboriculteurs vauclusiens. Le prix de l'abricot est en baisse de 23% cette semaine par rapport à la moyenne des années précédentes. Ils ont du mal à exporter. C'est une estimation de l'Interfel, l'association qui rassemble les producteurs de fruits et légumes. Le coup de gueule des surveillants de la prison d'Avignon. Des armes, des stupéfiants, des téléphones portables. En un mois, ils déplorent une véritable pluie de projectiles depuis l'extérieur, par-dessus le mur d'enceinte de la prison. Selon Force Ouvrière, ces objets servent à alimenter un trafic très ancré dans l'établissement, ce qui rend le travail des surveillants bien plus difficile. 11 morts, c'est le bilan définitif de l'incendie qui a ravagé un gîte en Alsace près de Colmar ce matin. Des personnes en situation de handicap originaires de Nancy y étaient accueillies. La préfecture du Haut-Rhin met en place un numéro spécial pour les familles. Il est sur francebleu.fr. Le risque d'incendie toujours très élevé en Vaucluse aujourd'hui. 4 massifs sont interdits d'accès. Bolène-Huchot, Vallée du Rhône, Petit-Luberon et Mont-de-Vaucluse. Pour les balades, donc, c'est limité. Mais si vous êtes en vacances dans la région, il reste l'incontournable Palais des Papes à Avignon. Seule une petite partie des façades est encore en travaux. Celle de la chapelle Benoît XII, bientôt comme neuve. La pierre était abîmée par le temps et les pigeons. Romain Bercher, vous nous emmenez visiter le chantier au plus près des rénovations. Pour ça, il faut prendre de l'altitude à près de 30 mètres de haut. Mettre un casque, tenter de trouver son chemin et puis monter à bord d'un ascenseur au cœur de cet échafaudage. Voilà la chapelle Benoît XII. Nous voilà presque au sommet avec cette vue imprenable sur la chapelle encerclée où les travaux se concentrent en ce moment sur les pierres. Carole Sanchez est la chef du chantier pour l'entreprise Celle, qui réalise 90% des rénovations. Là, comme vous voyez, on a une perte de matière assez conséquente et on est sur une chaîne d'angle de contrefort. Donc là, on va changer entièrement le bloc. Des ouvriers à bout de bras qui grattent les pierres endommagées à même la façade à l'aide d'une sorte de gros marteau-piqueur. Donc là, on fait principalement de la dépose et de la pose en tiroir. On va enlever au milieu de la façade un élément en pierre et on va la faire glisser dans son espace. Les nouveaux blocs sont taillés sur mesure à quelques kilomètres de là dans des ateliers à Nîmes. Carole Sanchez. La façade nord, on a quand même des problèmes dus au vent. Là où on a eu la plus grosse surprise, ça reste les merlons qui étaient extrêmement abîmés. Les merlons, autrement dit les parties du palais entre deux créneaux au sommet des murs. En plus de cette façade, les vitraux de la chapelle Benoît XII, retirés depuis le début du chantier, seront entièrement restaurés. Budget total des travaux, 5 millions d'euros. On vous a mis la vidéo de cette rénovation sur le site de France Bleu Vaucluse. Et une question, s'il y avait eu de la vie sur Mars ? Eh oui, une question qu'on se pose depuis toujours. Mais cette fois, des chercheurs français ont fait une découverte majeure. Des témoins fossiles d'un climat avec alternance de saisons humides et sèches, comme sur Terre, ont été retrouvés. Une découverte de chercheurs français grâce au robot Curiosity qui est sur Mars depuis 2012. Puis on revient sur Terre avec une rencontre entre Olympiens et Grecs ce soir. L'OM fait face au Panathinaikos en barrage aller de Ligue des Champions, sans supporters, interdit de déplacement. Et le brassard noir de capitaine pourrait bien se retrouver sur le bras du Vauclusien Samuel Gigot. On guettera ça. Le coup d'envoi, c'est ce soir à 20h pile. Tout le Vaucluse dans votre poche, c'est possible grâce à l'appli Ici. Ici, l'application par France Bleu, France 3. Suivez en direct toute l'actualité près de chez vous. Téléchargez dès aujourd'hui l'application Ici, ICI, France Bleu Vaucluse. Ici, vous êtes connecté.